Imaginons que nous avons rêvé. » Et maintenant il riait, il pleurait de surprise et de bonheur, et tout ce monde s'embrassait. En vain, les deux vénérables dames voulurent elles-mêmes entraîner Marie-Thérèse et la soustraire à toutes ces démonstrations. Marie-Thérèse leur fit comprendre que la joie générale était encore le meilleur médicament contre de si affreux souvenirs. « C'est un mauvais rêve, » fit-elle. « Imaginons-nous que nous avons fait un mauvais rêve. » « Oui, il faut imaginer cela, » appuya le marquis. « J'ai vu Vintémilla et je lui ai tout raconté. Il nous prie de nous imaginer que nous avons fait un mauvais rêve. Il nous le demande patriotiquement. En revanche, il a promis de nous aider dans la liquidation de notre entreprise de guano et dans la vente de nos concessions. Le mariage de Marie-Thérèse et de Raymond aura lieu en France, si personne n'y voit d'inconvénient. Nous ne reviendrons que plus tard essayer le siphon de l'ingénieur Ouzou dans les mines antiques du Cusco, quand nous serons à peu près sûrs que ceux qui tenteront de les fréquenter ne risqueront plus de faire d'aussi mauvais rêves. Ah, si on m'écoutait, je vous prie de croire que l'on verrait bientôt clair dans les couloirs de la nuit, s'exclama Natividad. Mais non, c'est toujours le même système. On ne veut rien voir, on se bouche les yeux. Même après une aventure aussi effroyable où nous avons failli tous laisser notre peau. Vintémilla, qui devait mater une bonne fois les Indiens, Vintémilla vous demande de croire que vous avez fait un mauvais rêve. Et le pauvre Natividad leva vers le plafond des bras désenchantés. « Monsieur Natividad, vous êtes un mauvais esprit, » déclara le marquis. « J'ai, du reste, une triste nouvelle à vous annoncer. Vous n'êtes plus inspecteur supérieur de Callao. Vous êtes dégommé, mon cher monsieur Natividad. » Natividad se laissa tomber sur une chaise, la bouche ouverte, ne trouvant pas un mot pour qualifier la joie avec laquelle un homme pour lequel il avait tout risqué lui annonçait son malheur. Il était si comique ainsi que tout le monde éclata de rire. Il se leva alors, furieux, et se dirigea vers la porte à grands pas. Il suffoquait d'indignation. Ça lui apprendrait à quitter pendant des semaines Jenny l'ouvrière. « Pas si vite !» lui cria le marquis. « Pas si vite, mon cher Natividad. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. J'en ai également une excellente. Vous êtes nommé inspecteur supérieur de Lima. » Natividad retomba sur une chaise, mais cette fois éperdu de joie. « C'est un rêve !» gémit le brave homme. Et cette fois, il ne savait comment remercier le marquis, grâce auquel se trouvait réalisé le plus beau rêve de sa vie. « Mais enfin, » finit-il par s'écrier, « j'aurais pu être mort !»« Oui, » répliqua en souriant le marquis, « la nomination que m'a remise le président de la République n'est valable, évidemment, que dans le cas où vous seriez vivant. Allons, puisqu'ils ne vous ont pas mangé, vous allez pouvoir les surveiller, vos Indiens. » « Chut !» fit Natividad, en qui renaissaient les qualités prudentes du magistrat. « Qu'on n'en sache rien !» La voix de François Gaspard se fit entendre. « Nous allons rentrer en France, mon cher marquis. Est-ce que je pourrais parler dans mes conférences ?»« Vous raconterez que vous avez fait un rêve, mon cher académicien, pendant lequel vous sont apparues toutes les splendeurs et toutes les horreurs des cérémonies du vieux Pérou. »« Et nous, croirons-nous jamais que nous avons fait un rêve ?» demanda tout bas Raymond à Marie-Thérèse, en fixant tristement ce pauvre visage qui attestait, lui, que la réalité était encore bien proche. « Que les couleurs nous sont revenues, » lui répondit Marie-Thérèse, qui contemplait le cœur serré, la pâle figure de son fiancé. « Tout de même, » continua-t-elle, « quand je me retrouve ici, dans ces bureaux, en train de prendre le thé, à côté de ma bonne tante et de la vieille Irène, de me faire gâter par vous tous, quand je revois ces bons registres verts, sur lesquels je me suis tant plié pour aligner des chiffres, et ce copie de lettres qui attend encore la réponse au correspondant d'Anvers. Tu sais, mon Raymond, pour ce prix-là, vous n'aurez que du guano phosphaté à 4% d'azote et encore. Oui, quand je vois ce cadre domestique où joue mon petit Cristobal, quand je nous revois tous vivants après le temple de la mort, je ne puis m'empêcher par moments de me dire « N'ai-je pas rêvé ?»